Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère. Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est toujours un spectacle hein, de toute façon. Oui. Ah, faut pas que ce soit trop long parce qu'après les gens ils arrêtent d'écouter. Donc on a qu'une heure, on a qu'une heure. On a qu'une heure. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Pas vraiment comme à l'accoutumée puisqu'on est au Culture Fest. Allez, oh, ça marche bien. T'es hardisson. Non, non, non, non, oula, attention. Eh, on m'a appelé Baffy pendant 10 ans, donc je peux taper hardisson une fois. Alors, un peu comme à l'accoutumée quand même, je suis avec Adrien Méniel. Adrien Méniel, comment vas-tu? Ça va bien. Ravi d'être là. Oh, bah oui. Voilà. Non, mais tu brilles, t'es un soleil. Les gens font Oh, d'accord. Un léger étonnement. J'aime bien. Que j'aille bien. Bah oui. Ça arrive, pardon. Nous sommes avec deux invités. La première, vous avez déjà été invité au Floodcast? Elle, oui. En effet, notre première invitée est autrice et humoriste. Elle a le pouvoir de vous faire passer des bonnes journées dans ses vidéos, car en plus d'être très drôle, la colossale liste des merdes qui lui arrivent au quotidien vous fait relativiser sur votre propre vie. Comme quelqu'un qui saute le petit-déj le matin et qui détesterait la soupe, elle a pas de bol. Un vrai petit chat noir sous l'échelle, la Godefroy, c'est Anna Godefroy. Oui. On n'a pas le temps. Comment ça va? Bah, ça va super, merci pour ce beau portrait. Bah écoute, j'ai essayé de faire au mieux. Avec... C'était très fidèle, j'ai adoré. Très bien. Notre deuxième invitée est une héroïne nocturne qui, comme le chat, retombe toujours sur ses pattes et peut courir très vite grâce à son yo-yo rapido. Elle peut également déclencher son pouvoir, yo-yo oreille de chat. Ah non, ça c'est les pyjamas, je suis trop con. J'ai même pas la ref. Je suis trop con. Et non, notre invitée, c'est plutôt ses pouvoirs, ce serait yo-yo chanson, yo-yo dessin, yo-yo poterie et yo-yo sarcasme. C'est pyjama Pauline de Tarragon. Bonsoir, merci. Arrêtez. Poterie. Poterie, c'est pas le mot. Ringarde. Céramique. Ouais. C'est céramique qu'il faut dire. On n'a pas le temps là, c'est poterie. C'est pâte à modeler et terre. T'es cancel d'avoir dit poterie, désolé. Franchement, je vais pas vous mentir, je savais que ça arriverait ici. Alors justement, c'est le Culture Fest, alors j'ai décidé de faire un jeu du Floodcast un peu particulier avec chaque question qui sera équivalent à un domaine culturel. Le Floodcast a toujours été une émission de culture. Oui, oui, c'est ça. Mais là, j'ai envie de pousser encore plus loin le délire. Par exemple, on va parler peinture. Parce qu'au Japon, une nouvelle artiste à la mode vend ses tableaux 200 euros pièce. Quelle est la particularité de l'artiste? Ah, de l'artiste. Anna est déjà énervée. C'est l'IA ou quoi? Non, c'est pas une IA, Adrien. Eh bah, tant mieux. Hein. Parce que là, pauvre Miyazaki. Je pensais à Miyazaki, là. Ouais. Le pauvre, là. Il y a des fluides corporels? Non, non, non, non, non. Ah, d'accord. Je trouve ça trop bizarre que t'aies pensé à ça. J'ai non, pas c'est l'artiste en elle-même, pas l'art, enfin, pas les œuvres. Exactement, c'est l'artiste en elle-même. Ils s'auto-détruisent. Non, c'est l'artiste s'auto-détruisent. Comme Kurt Cobain, elle se dit, c'est un peu auto-détruit. Elle n'est plus là pour nous parler. Culture. C'est un animal? Ce n'est pas un animal. C'est un robot? Ce n'est pas un robot. Est-ce que c'est un humain? C'est un humain. Ah. Et tu peux baisser cet index là. Oh, non, mais je me croyais malin en fait, pardon. Elle a une particularité physique? Non, non, non. Okay. Est-ce que c'est par rapport à son âge? C'est un bébé? Oui, c'est un bébé. Très bonne réponse, Adrien Méniel. Bravo. Et on va pas s'emmerder à jouer s'il a trouvé quoi la bonne réponse. Ah mais surtout j'ai j'arrive qu'une question. Pas à réfléchir moi là. On peut partir, je crois qu'on sert pas à grand chose. Putain. Arrêtez. Ah. Okay. Alors oui, c'est un bébé de même pas 2 ans dans une galerie branchée, perché au-dessus d'un bar du quartier chaud de Kabukicho dans l'ouest de Tokyo. Quelques peintures abstraites de cette mini prodige se vendent à environ 33 000 yens, à savoir à peu près 200 euros. Ce qui est pas cher pour un original. C'est vrai. Ce mais qui est cher pour la merde d'un bébé. C'est extrêmement cher. Ouais. Mais est-ce que ses parents lui volent l'argent comme J'espère bien. Comme Jordi. Oui. le style. En tout cas, oui, puisque c'est les parents qui sont, maîtres de galerie d'art. Je crois que c'est le terme exact. Galeriste. Hein, galeriste. Oui. Bah, le père de Jordi était DJ. Ah ouais. Ah oui. Bah, c'est lui qui faisait les prods et tout. Non, c'est vrai. Ah. Okay. Et d'ailleurs, la chanson de c'est Diams, lui qui lui a volé l'argent. Comment? La chanson de Diams, DJ. C'est sur ce mec. Exact. Donc oui, le style de Thumbelina, parce que c'est son nom d'artiste, Thumbelina, parce que je pense qu'elle fait ça avec ses pouces. Il fait comme ça. Je vous la dessine dans l'air comme ça. TH, Thumbelina. Thumbelina, ouais. Ah, si tu peux faire l'accent. Oui. Pour Adrien. Excusez-moi. Thumbelina. Bon, c'est toutes les lettres. Son style est enfantin, mais mystérieux. Mais non. Écoute bien ce terme, mais mystérieusement habile. Non. Dan Isomura, directeur de la galerie, s'est dit « Waouh, ce sont de véritables œuvres d'art. » Dans la maison de banlieue où vit cet enfant attends, de... Attends, attends, c'est son père ? Oui. Bah oui, d'accord. Waouh, wow, des œuvres d'art, non, vous trouvez pas ? Mais c'est ta fille. Non, pas du tout. Oui, donc dans la maison de banlieue où vit cet enfant de 21 mois, des taches colorées égayent les tatamis. À ses côtés, sa mère l'aide patiemment à déboucher les tubes de peinture et à les étaler sur le papier. Donc pour moi, c'est la mère qui fait, très clairement. Je perçois un certain rythme dans ses mouvements et ses motifs. Elle sait ce qu'elle fait, confie sa maman, qui préfère rester anonyme. Cette spécialiste de la calligraphie japonaise plaisante en disant être jalouse de la première exposition de sa fille. Non, elle plaisante pas, je pense. Elle est vraiment jalouse. Vous vous occupiez comment quand vous étiez petit ? En faisant chier mes parents. Ouais. Ah ouais. C'est-à-dire, c'est genre ils t'en ont parlé parce qu'on s'en souvient pas quand on est tout petit. C'est ben eux qui... si, en fait moi je disais tout le temps je m'ennuie et je crois qu'ils s'en foutaient un peu quoi, donc je m'occupais pas. Ça va Anna ? Ça cool. Va. Mais en même temps, c'est très dur d'occuper des enfants. Non, moi qui suis papa d'une petite fille en bas âge, par exemple, maintenant elle veut que je fasse parler, je sais pas si vous êtes au courant, j'en parle très peu. En ce moment, elle veut que je fasse parler ses jouets, par exemple. Donc c'est même pas jouer, c'est je dois faire parler des jouets pendant 30 à 40 minutes. C'est long. C'est chiant, c'est un peu relou. Tu t'en vas, Adrien ? Non, oui, mais il y a vraiment quelqu'un qui est assis dehors, qui vient de là, quoi. Oh, mais ça, c'est pour TikTok. Ah, mais ça, elle filme pour TikTok, ça. Il s'en a rien à foutre. Il est là, attendez, il y a un mec qui a froid, je vais lui donner mon pull. Vous savez, ça commence par un A, Adrien, sur les marches, comme là... allié, tout simplement. Ah, c'est beau. Comment ? Ah oui, non, mais c'est pas ça. Le... Il a dit, elle rêve de te voir, c'est vraiment juste... Enfin, elle te voit ? Il est là. Non, mais pardon. C'est la pauvre. Oh, Adrien, c'est un cauchemar. C'est star à domicile, non, ouais. Non, mais si tu veux t'asseoir sur les marches... C'est une catastrophe, Adrien. Bon, elle me fixait assise par terre, c'était gênant aussi. Non, mais en gros, si vous voulez rentrer, vous mettre là, c'est possible, quoi, au lieu d'être dehors. Mais au pire, vous pouvez rentrer. Ouais, prends ton temps, si tu veux, et viens quand tu veux, quoi. Ouais, c'est possible, ouais, faites du bruit. Waouh. Elle a l'air à l'aise, je peux peut-être lui laisser ma place. Toi, tu rêves pas de voir, oui, visiblement. Est-ce qu'il va la demander en mariage et genre c'est toi qui as la bague et... Non ? Nul. On est un peu dans cette ambiance. Allez, il a une pizza, la mode pizza ouais. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, c'est happening ? C'est Greg Guillotin qui est derrière tout ça. Voilà. Toi, Pauline, comment tu t'occupais, petite ? Oh, bah moi, je dessinais déjà énormément. je dérangeais pas, quoi. Je dessinais, j'étais dans mon coin, je faisais mes petits bidules. Ouais. Et puis, très tôt, j'ai posté des trucs sur Internet pour montrer aux gens que mais j'étais non. douée. À quel âge ? Très jeune. À 21 mois. Je m'étais même fait des cartes de visite, déjà un égo, quand même. Des cartes de visite pour dire aux gens, venez voir un peu ce que je fais et tout. Ouais, mais voilà. Si, c'est trop cool. Moi, je trouve que t'avais envie de montrer au monde. Ouais. Un peu de droite quand même. Un peu de droite. D'avoir des cartes de visite. Oh bah on est tous un peu de droite. Non mais bien sûr. Non. C'est pas aussi moi. C'est pas dès l'enfance quoi. Je suis trompée de festival. Merde. Non et toi Adrien ? Hop là. Quand j'étais enfant. Eh ben dis donc. Ça, pardon je t'ai. Non j'ai pris ton rôle. Mais je viens de prendre une claque d'animation tout simplement. Désolé. À part et bien sûr aider les gens dans la rue. Bien sûr. Comme maintenant. Oui oui non mais alors. Non, bah le dessin aussi, hein, ouais. Voilà, comme un peu comme toi, Pauline. J'imagine. Pauline. Oui, oui. Ah, d'accord. Ouais, je t'ai pas reconnue parce que t'es maquillée, c'est pour oui, ça. Oui, c'est vrai. C'est pas une blague sexiste, c'est parce qu'elle a dit tout à l'heure. C'est vrai. Voilà. Il souffle le chaud et le froid. Personne ne la reconnaît aujourd'hui. Personne me parle parce que j'ai mis du maquillage, donc je précise. Voilà. C'est moi en belle. Non, mais quand tu dis petit, quel âge ? Ah bah alors, je vais te demander toutes les années. Toutes les années. On va faire par tranche de 4 ans quand même pour aller plus vite. Non, le dessin pas. Et puis l'ordi quoi. Mais et les jeux vidéo. Les jeux vidéo. La DS. Ah non, toi la ça DS, oui, pas. Quand j'étais enfant, oui, bien sûr. Non, mais les DS grecques. Bien, oui, la mythologie, oui, bien sûr. Non, les jeux vidéo, le dessin. Donc plutôt c'est rêver, super. Pas mal rêver. Ouais, c'est vrai. Pour m'enfuir de mon quotidien. Qui est pour le coup un cauchemar, donc c'est vrai que c'est. Ouais. Non. Donc plutôt une enfant solitaire. Anna solitaire aussi, enfant ? Non, en vrai ça va, mais je viens de me rappeler, je faisais des spectacles dans le jardin. Oh. Mais je prenais en otage ma famille. Et je suis retombée il n'y a pas très longtemps sur les notes d'un spectacle que j'avais écrit avec ma sœur qui s'appelait La Clocharde. Oh, sympa ! Engagée aussi, comme Adrien. Exactement. Sauf si c'est pour humilier les SDF. Bon, peut-être pas. Déjà le nom est... Oui, vraiment, j'en avais rien à foutre. Mais avec ta sœur ? Ouais. Ah, un petit binôme. Un petit binôme, ah, voilà. Ça fait plaisir. Question cinéma. Le festival de Cannes vient de se terminer et qui la présente. Oh là, oh là, oh là. Adrien, fais quelque chose, Adrien. Tu es... Vu que visiblement tu es Batman, le festival de Cannes vient de se terminer. Vous savez qui était la présidente du jury ? Qui était présidente du jury ? La présidente du jury à Cannes ? Non. Non, vous l'avez ? Juliette Binoche, très bien. Juliette Binoche ? Voilà, très bien. Eh bien, Juliette Binoche, elle a un point commun avec Julianne Moore, autre comédienne, et c'est les deux seules actrices qui ont ça, à votre avis, quoi ? Leur prénom commence par Jules. C'est des petits jujus. Ouais, la réponse est décevante. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est lié au cinéma, c'est lié à leur métier d'actrice. Elles ont démarré avec le même ou la même réalisateur ou même réalisatrice ? Non. Okay. Parce que c'est les deux seuls au monde et de l'histoire du cinéma. Ah bah oui, je suis complètement con. Non, pas du tout. Si. C'est ce qu'il a essayé d'insinuer. Est-ce qu'il faut trouver une réponse drôle ou genre c'est encore une tentative pour toi d'être woke en disant c'est genre les deux seules femmes. Moi, j'essaie pas d'être woke. Hein. On a c'est bien naturel pour lui en fait. C'est même pas. C'est dans mes putains de veines en fait. Ah oui. Mais... je viens de voir. C'est arc-en-ciel dans tes veines. Non mais non, est-ce que non. C'est les deux seuls, enfin c'est lié à leur genre ou alors non, pas du tout non, non, c'est non. Genre deux, tout genre confondu c'est les deux seuls tu me fous le doute mais ah. Non je crois que c'est les deux seuls tout genre confondu. Ok. Ce sera pas la première fois que je dis n'importe quoi dans cette émission hein, de toute façon. Non la réponse c'est pas marrante en soi, c'est pour me lancer sur une question derrière. D'accord. Ah d'accord, tu nous dis tout. Hein ? Tu nous dis tout. Oui. C'est okay. Par rapport à leur filmographie ? D'une certaine manière, c'est... Le cinéma, c'est quoi ? C'est des films. Déjà, c'est vendre du pop-corn. Ouais. Non, c'est il y a des films et en ce moment, par exemple, le festival de des séries aussi. Des non, séries. Mais ça, c'est pas du cinéma. Enfin, c'est pas au ça cinéma. Ça se discute en fait. Et c'est le débat pas qu'on anime à ces heures. Merde. Non, c'est mais en ce moment, le festival prix, de Cannes, voilà, par rapport à des prix. Exactement, par rapport à des récompenses. Eh ben, elles ont jamais eu de récompense. Si, justement. Si, enfin. Elles ont Géo, Anna. Il est violent cet enfant. Elles ont eu dans la même année deux non. Récompenses, non ? Non, pas la même année. Au même âge, pas très au jeune. Même âge. Les gens ont la réponse, je crois. Ah ils ouais se moquent de nous, juste. Bah oui, mais oui. On attend un peu, peut-être. Non, je sais pas. Ah, sinon, ça va durer 15 minutes si, oui, tout oui, monde, oui. Si on joue à 200. Non. Ah, non, est-ce que vous, ton vrai visage ressort, là, d'un coup. Non, ne répondez pas, mais est-ce que des gens ont la bonne réponse ? Oui, ok, il y a des bonnes réponses. Ça dit timidement. Mais pas beaucoup, oui, pas beaucoup, vu le oui, nombre. Oui, timidement. Hein. Je suis de mauvaise foi, après, bon. Alors non, c'est par rapport... Donc, attends, j'ai décroché... C'est des prix par rapport aux prix. Comment ? C'est les deux seuls par rapport aux prix. Pas les Césars. Oscar. Pas Oscar. Palme d'or. Alors. Palme. Ah, bah oui, Cannes, enfin. Ils ont effectivement toutes les deux un prix d'interprétation à Cannes et... La Palme d'or. Je vais vous donner la réponse. Allez, bah oui. Vous donner la attends, réponse. Oui, ou alors peut-être pour faire un truc interactif, quelqu'un peut le crier dans le public. Non. Ok. Non. Non, quelqu'un. Alors la réponse. Ah. C'était bien la peine. Bah, ça c'est fait des moins gens les malins. Que c'était pas un oui franc. C'est le Culture Fest. Pas des gens tous à la fois. Hein. Festival non. De menteurs. Comment c'est trop tard. Oui, je l'ai entendu. Je fais genre, je l'ai mais pas bien vu. Bien sûr que non. C'est les deux seules actrices qui ont eu les trois prix d'interprétation féminine dans leur carrière des trois plus gros festivals de cinéma au monde. C'est-à-dire qu'elles ont eu le prix d'interprétation à Cannes, le prix d'interprétation à la Mostra de Venise et le prix d'interprétation à la Berlinale. Ah. Donc c'est extrêmement wow. Rare. Et on peut les applaudir. Et on peut les applaudir. Si elles nous et même les qualifier de queen, pour moi en tout cas. Les queen. Voilà. Est-ce que vous êtes sensible aux prix ? Est-ce que ça vous ferait plaisir de recevoir des prix dans vos catégories respectives ? Peut-être même en avez-vous déjà reçu ? J'ai quand même reçu le prix des jeunes talents de la radio en 2020. Hey, mais c'est wow. Pas mal. Hein. On peut c'est la... pas... Hey. Remis par Jean-Luc Reichmann. Je pensais que c'était. Oh ah, okay. Je pensais que c'était quand même écrit dans la bio. C'est pas grave. Il a pas lu. Il en a rien à foutre. Wow. Non. T'inquiète pas que si je savais que t'avais serré la main de Reichmann. J'ai une photo avec Reichmann. Je t'aurais appelé Madame. Attention. Madame. Yeah. C'est une imitation de Jean-Luc Reichmann. J'espère que ça vous a plu. Ouais, je vois qu'il y a une standing là-bas avancée. Prix de la radio. Allez. 2020, pas mal. Ouais. Mais pendant le Covid Non, juste avant. Ah, en juste fait, avant. J'ai fait une chronique. Et d'ailleurs, petite anecdote, Jean-Luc. Alors, j'étais en surélévation vis-à-vis de JL, qui m'a pris en photo en contre-plongée quand j'étais en train de parler et qui m'a posté sur Instagram. Oh. Voilà. Donc, si vous allez dans les posts de Jean-Luc Reichmann vers janvier 2020, il y a moi. Il y a la Côte Froid. Il y a la Côte Froid. Fait plaisir. Okay, qui est très très jolie. Hein. D'ailleurs, je préfère vous préciser que la photo me met bien en avant. Quoi. Donc, et genre, tu fais donc tu es humoriste, tu joues sur scène. Est-ce que tu. Alors, avoir un Molière, c'est. peut-être pas un ob... Est-ce que ça peut être un objectif? Est-ce que c'est un truc qui te ferait kiffer? C'est pas un objectif, mais je dirais quand même pas non. Ouais, d'accord. Voilà. Non, mais je comprends. Il y a des gens qui. C'est gratifiant. Après, je préfère avoir la validation du public, finalement. Et de Reichmann aussi, quand même. Et de... Oui, t'as déjà celle de Reichmann, alors le public. Mon Jean-Luc, putain. Pauline? Non, je crois que j'ai jamais eu de prix, mais j'ai. Ah si, j'ai eu une fois un prix avant le Covid, là, le confinement, le quoi que vous appelez ça, le... la Covid. Et on m'avait dit, le prix va être remis par Damon Albarn. Oh, wow. Et il y a eu le Covid, Jean-Luc. Et donc il l'a donné l'année d'après à Laura Cahen, et moi, personne m'a. Moi, on me l'a envoyé. Et en plus, il pèse, mais un âne mort, et il est moche. Donc c'est nul. Tout est raté dans cette anecdote, et voilà, c'est mon seul prix. Donc voilà, j'ose pas le jeter parce que. Bon, mais ça sert à rien. Mais c'est quel prix, pardon, j'ai pas. Oh bah je vais pas le dire parce que vu comment j'en ai parlé, ah, oui, si des gens. On bipera, non? Non, non, non, elle a pas envie. Il y a 200 personnes. Ils vont pas le dire. Allez, on fait un pacte tous ensemble. Bah, attends, peut-être le jeu non, là, mais c'est en de plus, deviner. Le nom, non, vous trouverez jamais. C'est genre, ça s'appelle prix de la création, un truc comme ça. Personne connaît. Ça. Et là, on se rend compte que j'ai menti. Non, je pourrais le mettre en photo sur Instagram si vous me croyez pas. Moi, je te fais confiance, personne. Moi, je te crois. Moi, je te crois. Adrien. Oui. Ah, t'avoue, je le sentais un peu. Voilà. Moi, tu sais, c'est au jour le jour. Hein. Donc, bon, un prix, voilà. Déjà, le concept d'objectif. Déjà bof, hein. Alors bon. Et toi, Florent, t'as eu des prix? Eh oui. Eh bah oui, lui, l'énorme singe. Dis-nous tes prix. Personne m'a suivi. Personne. Ouais. Horrible. Ouais. Non, j'ai le singe rouge de l'Alpe d'Huez. Le grand prix, juste. Oui. Juste le grand prix. Oh, olé. Que vous pouvez que vous pouvez également retrouver dans toutes les vitrines d'opticiens en province. C'est vraiment la même chose. Ah, je l'ai vu chez Chris l'autre fois. Non, mais t'as eu le Grand Prix, mais pour pondérer, t'avais déjà fait pas mal de films avant. Non, c'était son premier film. Voilà, tout simplement son premier film, voilà. Et j'ai quand même été nommé en tant que YouTuber de l'année au Web Comedy Award. YouTuber de l'année. Il y avait Jean-Luc Reichmann ou pas? Il n'y avait pas Jean-Luc Reichmann. Bon, bah. Il y avait Patrick Timsit. Ah ouais, y avait c'est pas mal. Ouais, mais il n'y avait pas Jean-Luc que Reichmann. Que des YouTubers, quoi, ouais. Finalement. Qu'on connaît bien. Non, Timsit était le président du festival. Du jury, ouais. Du jury? Ah bah oui, c'est pas le président du festival? Pour moi, c'était le président de la République à l'époque. Mais après, c'était une autre époque. Alors, Adrien, il y a une femme qui te fixe, tu veux peut-être y aller? Ouais, mais. J'essaie de faire abstraction. Le succès du gars, quoi. J'ai une question musique. Et que tout le monde se mette à chanter, d'ailleurs. Musique. Oui. J'ai la ref. Merci beaucoup. Ouais. Quels sont les 4 clips dont les chansons ont dépassé... Les 4 clips de chansons françaises qui ont dépassé le milliard de vues sur YouTube? Il y en a 4. Je vous demande... Waouh. Et oui. Oh, putain. Ah ouais, non, mais pas mal, hein, quand même, le flow. Il y a Aya. Hey. Non, tu sais nous surprendre. Mais merci. Et c'est super. Il y a Aya. Avec Adrien, on vote Aya. Ah oui, c'est sûr. Effectivement, il y a Nakamura qui est quatrième avec Jaja. Qui est quatrième seulement? Seulement, mais par contre, c'est assez fou parce que la chanson est sortie, alors entre guillemets, il n'y a pas si longtemps, 7 ans déjà, mais par rapport aux autres qui sont sortis il y a beaucoup plus longtemps. Ah ouais, voilà. Il y a Jul? Il n'y a pas de Jul, Adrien. Non, mais est-ce qu'il y a des trucs surprenants? Il y en a un que je ne connaissais pas et quand j'ai écouté la chanson, j'étais surprise. Le numéro 1. Non, mais il n'y a pas genre, par exemple, je sais que Mireille Mathieu. Ah, j'allais le dire aussi. Était une star en Chine. Oui. Et du coup, comme ça Alizé. Peut faire beaucoup de vues. C'est quoi. Dingue. Comme Alizé. Alors, ça ne rentre pas en compte. Là, on est vraiment sur des chansons. Le plus vieux poste date de 2013. Peut-être. Ah. Dire, c'est des chansons assez récentes. Sheriff Hanouna, il avait les mots. Zaz. Un banger. Non, Zaz n'en y est pas, mais Zaz effectivement fait énormément d'écoutes sur Spotify, par exemple. En Russie et en Allemagne. Également. Non, j'ai dit au pif. Tu dis n'importe quoi. J'ai vu, tu dis n'importe quoi. Non, j'allais dire et en France aussi, mais oui, voilà. Là. C'est des. Ah non, le plus vieux ou le plus récent 2013, t'as dit. Non, le plus récent c'est 2018, c'est Ariana Kamoura avec Jaja, avec 1,008 milliards. J'ai dit 008 que je vois parce que ça fait des milliers c'est ou des. 80. Il y a des trucs pour enfants, non? Aucun. Ah ouais. J'allais dire René Lataupe. Non, il n'y a pas René Lataupe. C'est français ou francophone? Alors. Car Céline Dion est. C'est francophone, c'est francophone. Céline Dion. Il n'y a pas Céline Dion. Angèle. Il n'y a pas Angèle. La tuile. Ouais. Il n'y a pas les Daft. Il n'y a pas les Daft. Après, j'ai mis chanson en français, donc peut-être qu'il y a les Daft parce qu'ils chantent anglais. Il y a un truc Eurovision ou pas? Il n'y a pas d'Eurovision. Non, je veux dire, peut-être qu'il y a des chanteurs français, mais qu'on chantait en anglais. Là, j'ai mis des chansons en français. Voilà. Bien sûr. Voilà. Edith Piaf, la vie en rose? Non, pas la vie en rose. Vous faites des coucous à des gens. Ah, bah, c'est Manon Bril, juste la meuf qui a créé le festival. C'est Manon Bril. Ouais. On n'a pas le temps. Mais elle est partie. Tout ramener à elle. Bon, bah, dis-nous la réponse. J'ai quand même pas tant de questions. Oh. Anna, il y a hommes et femmes dedans. Il y a hommes et femmes. Alors, très bonne question. Y a, parce qu'on a déjà dit Aya, mais. Deux femmes, dont Anna Yakamura, et Aya, deux mecs. C'est à part Anna Godefroy. avec son clip de la clocharde. qui n'est pas encore au milliard de vues, mais non, on désespère pas. Il est en non répertorié, c'est pour ça. La première. Ouais. Est-ce qu'il y a du rap essentiellement? Non, il n'y a pas de chanson de hip-hop. C'est du rock. Il y en a zéro? Zéro. Il y a pas. Enfin, du rock. C'est vraiment de la pop, quoi. Je saurais pas vous dire. C'est pas récent forcément. Le numéro 1 date de 2013. Voilà, je peux vous dire ça. Ah, c'est pas récent. Non. pas très. C'est ringard un peu ou pas? Moi, je trouve pas ça ringard. Après, ouais. Je regarde mon style. Ouais. Bah, comme moi, ouais. Quoi. Donc. Ouais, c'est ça. Il est allé au concert de Souchon, si ça peut te dire. Ça me plaît beaucoup. Et de Dua Lipa. J'y étais aussi. Alors, Dua Lipa, j'y étais pas. Ah bon? Non, Dua Lipa. T'as alors, menti. Ouais. J'ai vu la story. Bah oui. Parce qu'en fait, oh là là, c'est ridicule. Attention, vous êtes prêts? Ah, je sais, tu t'es fait inviter. C'est la honte. Et t'as pas voulu. Ma meuf est fan de Dua Lipa. Et donc, j'ai réclamé des places. Et donc, j'ai fait une story comme si j'y étais. Pour... Oh, ça va, on dirait, que, j'ai... dirait que j'ai poignardé un gars dans la rue. Train... Moi j'ai trouvé bizarre sa story. Pas vraiment allé tu vois, lui il dit les trucs. Lui. Mais moi je dis les trucs. Mais alors elle était que... bizarre ta story. Moi j'ai tout de suite senti le. Bah j'ai dit merci. Non, mais... ça, oui, après ouais, c'est facile. alors que comme vois, au Trivial Pursuit, bon, je savais, oui. Bah, mais oui. Non, mais c'est vrai, t'as trouvé ça naturel toi? Moi, on n'a rien à foutre. C'est une story de concert, c'est toujours de la merde. Tu l'as mis en sourdine de toute façon. Non mais voilà, et donc du coup c'était pour avoir des places sympa, pour inviter ma compagne. Moi je suis fan de Dua Lipa, donc j'ai demandé des invites et j'en ai pas eu. c'est pas bah, vrai, demande j'y vais à Florent la prochaine fois. Non, j'y vais, contacts. C'est bon, j'en ai eu, c'était une blague parce que je fais un peu d'humour quoi après. Ouais. Quand la clocharde aura le prix de l'Alpe d'Huez peut-être. Just a dream. Bon. Oui, tu bosses sur le long là, je crois. Ouais, ouais mais ça reste en off pour l'instant. C'est entre nous, c'est entre nous. On coupera. Alors, donc oui, je vais vous donner des indices. Alors, par exemple, la numéro 1, il y a écrit que le clip est sorti le 4 décembre 2013. Pour moi, c'est plus vieux. Et c'est une chanteuse qui a fait un tube. Oh, ça là, dans le public. Et elle chante en français. Elle chante en français. Et justement, on parle de Dua Lipa, je raccroche les wagons. Lorsque Dua Lipa, parce que Dua Lipa, il faut savoir que dans chaque pays où elle joue, elle reprend une chanson du pays. Genre en Australie, oui, elle a repris ACDC, en Espagne, elle a repris Manu Chao, etc. Stress. Elle a repris Alizé, là, non? Et elle a repris Alizé à Paris, et à Lyon, elle a repris la numéro 1. Parce qu'elle est lyonnaise ou... Non, parce qu'elle est française. Quoi. Oh, d'accord. Mm. Je l'ai entendu en plus. Ah, bah vas-y. Ouais. Bah non, mais je m'en souviens. Bah non. Terrible. Ah, non, mais je l'ai entendu sur la toile. Ouais. T'es folle du web, ah toi. Ah, mais moi, je suis une petite miss du net. Hein. Franchement, tous les jours, je surfe. Quoi. Une petite araignée sur cette toile. Exactement. Ça commence par quelle lettre? On arrive au fond là. Hein. Ouais. On t'a demandé les lettres. Donne un non, peu je vais vous trucs. Donner là. Écoutez, non, c'est quelqu'un qui a fait un tube. Un tube. S'il te plaît, la lettre de. En 2013, quoi. Ilona. Non. Un enfant, ouais, ça, un oiseau, mais... une chèvre. Une chèvre, ouais. Ça aurait été fou qu'elle reprenne ça. Que tu as à Lyon. 2013, non, c'est déjà trop vieux. Bah oui, non, non. Je vous donne la nuit. Il y a encore un autre que là, vous pouvez trouver facilement. Elle, peut-être, c'est difficile. C'est Indila avec la chanson. Bien sûr. Et voilà. Je tourne en rond. Un banger. Je tourne. Tu veux chanter un peu? C'est le clip français le plus avec 1,2. Le ciel. Tu vois, on n'a pas besoin. Vas-y, chante. Non, c'est dans le. C'est que j'ai pas eu les paroles. Je t'aurais accompagné. Parce que moi, j'adore Indila en fait. Bah moi, j'aurais pu faire ton armo et on va bosser ça après. Été beau. Mais alors, attends, Anna, si t'es si fan d'Indila, une autre chanson d'Indila? Bien sûr. SOS. Oh, pardon. Ah, waouh. C'est Balavoine, mais je prends. Ok. Alors déjà, pas du tout. C'est tous les cris SOS ou SOS d'intérieur en détresse. Ah, c'est vrai. Mon Daniel, qui nous manque. Eh oui. J'ai pris ses vœux là aujourd'hui. Je sais pas. C'est si pas. Oui, ouais, c'est vrai. Un peu ça. Il est décédé le 14 janvier 86. Je vous donne l'info. Ah, celle-ci, elle adore les dates. Alors. Le numéro 2, je vous le donne aussi. Moi, je connais pas. C'est Ego de Willie William. Ah. Willie Denze. Oui, pardon. Et il est deuxième grâce à moi. Et le numéro 3, c'est un artiste belge. Stromae. Bien sûr. Enfin, Stromae. Avec alors Papa c'est pas Laurent Dess. Alors on danse pardon, c'est Papa Outé. Bien effectivement, sûr. Papa Outé. Est-ce que vous y a un comment? Non, rien. Est-ce que vous y a vous savez où est votre papa? Oui. Je vais Ah, oh, ça va. À Plougastel d'Aoulas pour ma part. Après, contractuellement, je suis obligé de faire une blague par semaine sur mon père. Est-ce qu'il y a un clip qui vous a marqué quand vous étiez jeune? Waouh. Ouais, ouais. Sur MTV, Adrien. Oh, MTV. Non. Non. Oui, oui. Bah oui, il y avait The Reason de Hoobah Stank. Oh oui. Et c'était tout le temps. Oh, tout le monde a trouvé ça adorable. Non, juste, ouais, juste 10 personnes. Non, mais c'était quand il y avait des histoires un peu. Et comme nous, on était ados à l'époque, on regardait ça en mode genre. On s'identifiait alors qu'il nous arrivait pas du tout les mêmes choses. Il y a pas genre un accident de voiture. Un accident de voiture et la chanson est trop bien en plus. Oui, c'est vrai. Vous rigolez pas. Je l'adore. Je l'adore. Elle est dans ma playlist. Elle est dans ma playlist. Donc, ta playlist, j'adore. Qui s'appelle comment? Ouais, qui s'appelle ma playlist. J'en ai avec une. Quel bordel, hein, il y a 1200 chansons. Toi, Adrien, un clip qui t'a marqué quand t'étais jeune? Ouais. Bah toi, c'était Jacques Brel, non? Drôle. C'était pas une blague sur l'âge. Quoi? C'était pas une blague sur l'âge. Non, je pense pas, non. Vieux gars. Il a pas de clip, Jacques Brel, je pense. T'en sais rien. Non, je sais pas, j'avoue. Si, il y avait un peu le clip de Smack My Bitch Up de Prodigy. Où c'est genre, c'était un. Non, j'ai pas. J'ai vu, non, alors bah, il y aura un replay. Déjà, t'as dit, il a fait ça, donc dans un podcast, ça n'a aucun sens, on comprend mais pas ce que tu dis. Mais je parle que aux gens dans la vraie vie, moi. Mais... Les autres, merde. Non, parce qu'en fait, c'était un clip en POV, et c'était genre quelqu'un qui était destroy, en fait, quoi. Et donc tu te dis, waouh, mais attends, ce mec, il est ouf. Et à la fin, la personne se regarde dans un miroir, c'est une femme. Oh. Et donc à l'époque, c'était ouf quoi. À l'époque, c'est genre ouah. C'est Shyamalan qui avait fait le clip d'ailleurs. Ouais, sûrement. Tel twist à la fin. Et donc moi, je sais plus quel âge j'avais. Mais... Ouais. Pas mal. Il a craché. Toi, hein? Anna, un clip qui t'a marqué quand t'étais jeune? En fait, quand tu disais qu'il raconte une histoire, le clip, moi, je pense à Wake Me Up When September Ends de Green Days. Oh, Green Days. Un peu la même Green période. Day. Ouais, vous êtes ambiance rock. MCM. Ouais, ah oui, MCM. Oui, bien sûr. Hein, bien sûr. La chaîne. MCM. L'autre fois, quelqu'un m'a dit, c'est quoi Skyblog? Non, et ça m'a pas mis possible, très mal. Hein. J'étais là, mais ça va quand même. Quand même, t'as dit à la quand fin. Même. Bah, c'est vrai que les geeks qui racontent les histoires, moi j'avais James et Vita. Mais là, bien sûr. Et même la parodie de Youn et Obispo, quand elle est sortie. Si, c'est ça. Oui, c'est Fatal. Toi, tu l'appelles par son nom d'artiste. C'est Michael Youn, mais voilà. Moi, c'est Mika pour ma part. La parodie au plan près, moi je me souviens quand j'étais gamin, c'était un. Un pur délire. Une simple masterclass, finalement. Et aussi vraiment Mickey beaufs, 3D. Ah oui, oui. Ah, Mickey 3D. Respire. Oui, un Pixar à mes yeux. Ça, bah, ça, c'était à l'époque, on trouvait ça magnifique. Hein. Alors que Non, non, pas tout le monde, mais j'avais 20 ans de plus. Donc, mais vraiment, j'ai détesté. Tu trouvais ça moche? Première seconde, j'ai haï, moi. Ah ouais? Aussi bien la chanson que le clip. Mais c'est marrant, moi, j'ai une chanson, je me rends compte. Alors, d'habitude, on n'est pas trop dark, mais il y a une chanson que... qui vraiment m'énerve dès que je l'entends, et je m'en suis rendu compte récemment, c'est Me Gustas Tu de Manu Chao. Oh non. Ah bah oui, oh, mais bien elle sûr. Est trop bien. À un moment, il y a un petit bruit, genre mais, de jouet d'enfant de... Mais putain, oui, il me rend fou. Dans toutes ses chansons, il mettait ce truc où ça fait des bruits. Me Gustas de... Arrête, c'est ça s'appelle. Me Gustas Tu. Ouais, vraiment, ouais. Ça me déprime. D'accord. Alors, non, mais il avait trouvé cette c'est astuce... C'est de la merde, tes goûts, Anna, tu m'entends pas. Que corazón, mi corazón. Ah oui, là, ça vole un petit peu. J'adore Manu Chao. Ah ouais, non. Mais tu mettais des Sarouel entre nous, en vrai. Bien sûr, j'étais à Rennes 2. Faut avoir la référence, hein, mais oh là. Ça faisait des assiettes chinoises. On a la référence, hein. Sur le temps de Rennes, on l'a. Ah non, ouais. Et tu faisais des bolasses, des non, choses comme pas ça du tout. Justement, non. Je dis dans mon spectacle que moi, justement, j'étais en jean et en converse et j'avais l'impression d'être une Kardashian, quoi, parce qu'il y avait que des et beaucoup de sarouel, effectivement. Mais c'était super. Moi, j'avais fait j'ai frôlé avec ça. Je mettais des bouts de briquet sur ma casquette. Pardon? Bah, tu sais, les bouts de briquet. T'es un immense babos. Ah oui, un petit peu. Mais je trouvais ça stylé. Ah ouais. Ça l'était pas, hein. Ah non. Ah non, non bah, mais je vous le dis non, au cas où, hein. Après... Je vous le dis au cas où. Peut-être là où t'étais. Non, même pas. C'est te dire. Ouais. Mais non, non, ouais, c'était. Et en plus, tu fumais pas? Non, pas du tout. Donc vraiment, c'était genre. Mais moi, je traînais avec des gens. J'ai des briquets. Tu as besoin d'allumer de l'encens, hein, je suis là. Peinture. Non, peinture, on a déjà fait. Je suis trop con. Ah ouais. Littérature. Oula. Ah, ça va aller vite. Ça, c'est... Robert Walpole, un colonel et politique britannique considéré comme le premier véritable premier ministre anglais, est entré dans le Guinness des Records. À votre avis, pour quelle raison? Des Records, donc. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai un pied aux États-Unis et un pied en France. C'est... Ouais, ouais, non, mais... T'es déjà aux States, toi. Mais moi, avec Evil Dead. C'est mon quotidien. C'est un rapport avec un livre. Exactement. Mais le livre le plus long du HPI, si jamais. Quand t'as rencontré Reichmann, il t'a dit non mais viens au 12 coups de midi. Bien sûr. C'est trop con. J'ai refusé, ils ont pris Emilien. Bon, mais il est millionnaire. Mais non, mais peut-être plusieurs livres même. Non, un livre. Un seul. Un livre très long. Ah, je sais. Pardon, vas-y. Je t'ai coupé. Non, vas-y. T'es une femme, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Ça fait plaisir. C'est pas, il a pas écrit un livre où il n'y a pas une seule fois la lettre E. Ah non, ça, tu parles de la disparition. Oh, ça va. Pérec. Putain, on est en galère là. Mais non, tout c'est va bien. C'est pas Pérec. Pérec. Marie-José. Pérec. Bah, il y avait un E sur la couverture déjà, ouais. Deux même. La honte, il y a un E dans son nom. Gros nul. C'est un livre écrit en IA. Non. C'est un livre, ça date de. On parle d'une personne quand qui est décédée. Ouais. Ah, ouais. Il est décédé. Ouais. Premier ministre ouais. anglais, ouais. Est-ce de l'histoire. Est-ce que c'est un rapport avec le nombre de mots? Si je peux me permettre, non mais. Mais je comprends plus. J'ai rien. Mansplainé, mais pardon. En fait, juste j'ai oublié grotesque, même ce que t'as intitulé. Dit. Ce que non, t'as dit était ridicule. T'as pas mansplainé, t'as man chié dans ses chaussures. Là. Ah c'est vrai. Nouveau mot. Alors non, il y a un petit twist. Il y a un petit twist. C'est pas par rapport à un livre qu'il a écrit. Ah. Il l'a lu plus de 1000 fois. Non. 2000 fois. Il a... Très bonne réponse. Non, ben... Il non. a acheté toutes les éditions. Ah. Toutes les. Ouais, les... Bon, vous avez compris. Ouais. Là. Non, les... c'est pas ça. On dit histoire de plagiat. Toutes les éditions. Les exemplaires. Non, ce n'est pas ça. Super. C'est pas une histoire de plagiat. Est-ce que c'est un livre qu'il a lu Il l'a lu, mais c'est pas le nombre de fois qu'il l'a lu. Oui, j'ai bien compris, ça va. Non, c'est un livre dans une langue qui n'existe pas. Non. Bon, il a reproduit l'histoire d'un livre dans la vraie vie. Oh, putain, on dirait un pitch de film. Un film, ouais. C'est bon, finalement. c'est à moi maintenant. non. Gondry pour moi. non, un livre par exemple. Vous voyez ce que c'est? Ouais, à peu près, ouais. Où est-ce qu'on en trouve? Librairie. Ou des bibliothèques. Alors, Il tenait une bibliothèque qui n'avait que ce livre. Non. Un deuxième chiant. Film de Gondry qui est en train de se créer. Non. Il vivait dans la bibliothèque. Non, c'est pas. Pensez, record. Pas il a loué le plus de fois ce livre. Non, mais on n'est pas loin du tout, record. Le moins de fois, c'est lui que c'était zéro fois. Et il n'est pas seul, parce que c'est zéro, donc tous les gens qui sont jamais dans une bibliothèque. Non, c'est. Mais t'es pas loin. Si c'est pas le moins de fois, t'es pas le plus de fois. Le moins de fois. Non. Moyen. Vraiment, c'est la moyenne. Il est pile dans la moyenne. Il a loué un livre. Oui. C'est de la location. Hein, il a loué. Oui, c'est pour de l'univers de la loc. D'accord, ok. Il a loué tous un les livre. Jours pendant. Non. Il l'a loué une fois. Et ouais, si ça ah, fait rendu. Chier en fait. Il l'a jamais rendu. Hein. Quand il l'a jamais rendu. Très bonne réponse. Non, Anna c'est parce que. Mais ça, c'est pas vrai. Ah, le retard le plus long. C'est le plus grand retard. Le plus grand retard de l'histoire de la bibliothèque. Par contre, si quelqu'un souffle encore, je me casse. Je préfère le dire. Je fais rentrer des gens, mais moi, je peux sortir. Il a le record du plus long retard de restitution d'un livre à la bibliothèque. Combien? Eh ben, je vais te dire, l'histoire racontée par les gens de... Parce que je peux peut-être encore le battre, c'est ça? Oui. Peut-être pas. Il s'agit de 288 ans. Ah! Hein? Eh ben oui. Il a vécu vieux, pépère. Hein. Ah, c'est... Ah oui, ses c'est un autre record, par contre. Quoi. Hein? Ses petits-enfants l'ont c'est ça, rendu... C'est même ça, un... c'est... Non, merci, c'est... J'ai très envie ses descendants de l'ont déjà. Rendu à sa place, quoi. Exactement. En gros, il a... C'est mort pour moi. Une biographie en allemand, il a loué une biographie en allemand de l'archevêque de Brême, que je vous conseille, c'est un bijou. Oh, à la bibliothèque du Sydney Sussex College de Cambridge, une biographie qu'il avait gardée chez lui. L'ouvrage est tombé dans les oubliettes jusqu'en 56, date à laquelle son descendant, le 5e marquis de Cholmondeley, ainsi que le professeur John Plum, Cholmondeley, ça fait rire quelqu'un dans la salle, ont retrouvé ce recueil dans la bibliothèque de Hungton. Ils ont donc rapporté le livre à la bibliothèque du Sydney Sussex College, 288 ans. C'est un peu mignon quand même. Le mec, 300 ans après, il voit un livre, il fait oh, je dois aller le rendre quand même. Oh non, alors là, je suis pas d'accord. Imagine la facture de retard devait oh là là. Être salée. Pas mal. C'est tant mieux que ça s'arrête, ce podcast. Alors, est-ce que vous êtes tête en l'air? Oh si, pas si mal. Oh si, pas si mal, je suis Drucker. Non, si, c'est bien, elle est bien. Alors, t'es tête en l'air, toi, Adrien? Un peu, mais après... Même temps, j'ai l'impression... Mais pourtant, tu ne dégages pas ça du tout. Moi qui te fréquente au quotidien, c'est rare que t'oublies des trucs. Il y a des choses que t'as pas envie de faire, mais c'est rare que t'oublies de faire des trucs. Ouais. Non, mais je vais... C'est bien, c'est que t'as réussi à dresser un portrait pire. Non, t'es pas tête en l'air, t'es une merde. Tu ne veux pas faire les choses. Oui, moi, je préfère ma version, mais tout va bien. Non, en vrai... En fait, si je note pas les trucs, je peux vraiment oublier, genre de répondre à des mails importants de boulot, quoi, ou des trucs comme ça. Ça m'est arrivé de retirer de l'argent et de partir sans l'argent. problème de riche. Et pourtant non, à l'époque. C'est ça qui est terrible. Mais c'était l'époque où tu pouvais reprendre ta carte bleue. Enfin, parce que maintenant c'est t'as la thune et non, je sais plus. Dans ça me fait penser au pitch de la. Je sais plus. En tout cas, j'ai pris ma carte bleue, je suis parti et après j'ai dit, je n'ai pas pris l'argent. Et, voilà, ah, la thune. Il y était encore. Comment? Il y était encore l'argent? Je suis pendu à télé. Non. À mon avis, il s'est dit, je vais le laisser pour quelqu'un qui en a vraiment besoin. Et il est parti. Et c'est l'histoire de ma pièce, la clocharde. C'était volontaire. C'est ça le twist. Tout est lié. Merci. Pauline, à toi. T'es en l'air? Je pense pas. Ah ouais? Non. Et ordonné, est-ce que tu penses? Je suis limite énervée que tu penses ça, t'as vu? Non, pas du tout, non. Non, mais genre, tu notes les trucs? Quoi? C'est pas très étonnant qu'il pense ça. Non, mais attends, arrête de le défendre. T'es farfelu. Farfelu, c'est Adrien qui m'a attribué ce mot. Mais oui, mais longtemps, tu l'es. Farfelu, mais pas tête en l'air, mais aussi parce que je suis très. Mais toi, t'es très organisé aussi. Genre, tu vas. Oui, mais je suis obligée. Parce que si je suis pas organisée, c'est un enfer. Moi, je suis organisée parce que sinon, je suis trop stressée. Mais du coup, je prévois tout. 50 ans à l'avance, les listes, les agendas, les applications, tout. Et du coup, je peux pas être tête en l'air. Et est-ce que tu paniques quand tes plans changent? Non, parce que je suis une meuf de terrain, tu vois. Genre, j'aime bien quand les plans changent. Farfelu de terrain, on pourrait être surnommé comme ça, j'ai l'impression. C'est un peu long, mais pourquoi pas. Farfelu. Pour une BD, ça peut le faire. Farfelu de terrain. Anna, toi, tu es... Pas du tout tête en l'air. Ah bah non. Non. Tu dégages pas ça. Contrôle fric, malheureusement. Ah oui, carrément. Un peu, ouais. Bah, juste des filles, en fait. On peut peut-être... Non, mais... Excusez-moi. C'est engagé, je pense que c'est aussi vrai. Lié à ça, hein, peut-être. Je vais pas commencer à gâcher l'ambiance, mais... Trop tard. Non, je rigole. Je peux pas rebondir, je sais pas. Je suis pétrifié. Bah, on je va pas vous dire. Anna, dis-nous... Tout va être contre moi, donc je ne dis plus rien. Dis-nous pourquoi tu es... Du coup, tu dois t'occuper de plein de choses. De toute cette charge mentale. Dis-nous pourquoi seulement. Alors, je vais plutôt vous faire un extrait de mon spectacle. Ça je vais reparler de Jean-Luc Reichmann. Voilà. Non, mais elle est hyper amnésique, elle est pas tête en l'air. C'est vrai elle que j'ai une bonne tout. Mémoire, moi je note rien, voilà. tout est calé. Ouais. Et tu notes rien du coup? Non, très peu. Stylé. Pour chance. La forme des t'es fois. T'es vraiment HPI en fait. Un peu, c'était je crois, ouais. Ouais, bon, après. Arrêtez. Elle connaît la date de naissance de Balavoine, c'est pas non plus. C'est vrai. 5 février 52, si jamais. Et elle a son portable, en fait, elle a juste... elle a une oreillette, hein, voilà. Je précise. Exactement. Et est-ce qu'en vieillissant, même si tu es encore très jeune, est-ce que tu sens que ton... Comment ça? C'est terrible. De devoir préciser, alors que vraiment vieillir, on est en train de le faire là maintenant, tout là suite. Tout de suite, là. Écoutez, t'es je suis un dandy. Iglesias, en fait, pour moi. Pour moi, vous êtes toutes des trésors, donc on le voit pas l'âge des femmes. Voilà, donc bon, pour moi, la vieillesse n'existe pas chez la femme. Non, mais est-ce qu'en vieillissant, tu trouves que ton super pouvoir diminue un petit peu? Pas du tout. Non, pas du tout. Et bientôt. Et bah trop. Mais peut-être pas. Non, je crois pas que ça ait, le temps ait un impact dessus, je sais pas. Sur les capacités cognitives? Ouais, non, sur non, pas du tout. Sur... Pas du tout. Le mot Alzheimer n'existe pas. Non, vraiment pas, t'inquiète. Non, t'inquiète. C'est une croyance, c'est mais pas bien sûr. J'ai une question bande dessinée parce oh, que c'est wow. Bah oui. Cache Titeuf. Oui. Ça valait quand même pas le coup. Si. Date de naissance de Titeuf. Mais c'est un dessin putain. Bah ouais. En revanche, pas Zep. Ouais. À Landerneau en Bretagne, un je record connais. A été battu le week-end dernier. À votre avis, lequel? Oh, quand ça? Il y a le week-end dernier. Waouh. Mais ouais. Je pense que c'est un record autour de la BD, hein, si je peux me permettre, oui, à mon avis. Ouais. Ouais. Bien ouais. Juste parce que je suis HPI. Oui. Bah oui. Non mais on est juste. Ça se confirme de minute en minute. Je t'observe depuis tout à l'heure. Je me dis, je comprends. Je suis pas qu'un physique, tu sais. Tu étais très jeune, non, en plus. Oui. Pas tant que tu ça. Tu rajeunis là pendant l'émission. C'est fou. Moi, j'ai jamais vu ça. Incroyable. La bande dessinée la plus longue, j'ai l'impression que toutes les réponses ouais. qu'on donne, c'est les mêmes. La plus longue, oui, la plus fausses, empruntée, hein. Fausses, c'est écrit en breton. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mes mains en vase et tu vas chier dedans, Pauline, apparemment. Vu que, avec vu que le jeu est catastrophique, visiblement. Non. Je pense que ça pourrait faire le buzz, mais après. Un petit peu moins que la vidéo d'Adrien qui fait rentrer des gens, mais c'est pas mal. Je l'ai sur mon téléphone. Non, c'est lié à la bande dessinée, c'est un record de nombre de gens, effectivement, qui ont été présents à un endroit, mais. Ils avaient quoi de particulier, tous ces gens? Ils adoraient une certaine BD. Bah, d'une certaine manière. Ouais, okay. Astérix? Non. C'est vous pouvez trouver la BD déjà. Obélix? Non. Je sais, c'est les Schtroumpfs. C'est le concours de cosplay en Schtroumpf ou je sais pas quoi là. Du plus grand rassemblement de Schtroumpfs. Ouf. Et oui, 3076 personnes. Alors. Déguisées en Schtroumpfs. Elle est là, ma Bretagne. J'aime pas du tout cet endroit. J'ai non, entendu. Juste le rassemblement de Schtroumpfs. La Bretagne, c'est super. Mais... Merci. Ils se sont réunis au même endroit. Jusqu'à présent, c'était la petite commune allemande de Langrichen, frontalière avec la Suisse, qui détenait le record mondial avec ses 2700. Le fait qu'il y ait un record précédent me tue. Oui. Attention, Adrien, attention, c'est pire. Puisque le maire de Landerneau en avait fait une affaire personnelle. C'est la troisième tentative. Ok. Mais comment tu peux ne pas y arriver? C'est ça que je Alors, comprends pas. Je vais te raconter. 7 mars 2020, Landerneau avait pourtant battu ce record en accueillant 3549 schtroumpfs. Mais l'exploit n'avait pas été validé Attends, par le Guinness. 3549? Oui. Hypermnésique. Non mais... non, je le ressors à la fin, je te le dis. Donc, l'exploit n'avait pas été validé parce qu'il manquait un document. Réalisé en pleine épidémie du Covid, la tentative de 2020 avait fait un peu de bruit jusque dans les Alpes où certains médias italiens critiquaient une manifestation irresponsable. Ah oui, oui. Mars 2020, je vous rappelle, l'ambiance n'était pas top au niveau du Covid. C'était le début, tout simplement. Réédité en mars 2023, la tentative avait de nouveau échoué pour cause cette fois de météo exécrable. 231 schtroumpfs avaient manqué à l'appel. Oh non. Et ça se dit citoyen de la France, ces gens-là, mais bref. Les Landerneens avaient prévu d'en rester là, mais la société Paramount, qui produit les Schtroumpfs, le film, les a convaincus de renfiler les costumes pour aller avec la sortie. La société de production a pris en charge la communication et a offert 1200 places pour une avant-première du film. Et pour pas qu'un Schtroumpf manque à l'appel, le maire avait prévu... Parce que le maire, ça a foiré deux fois, il a dit la troisième. C'est maintenant... C'est ça où je me bute. Il a fait un arrêté municipal pour interdire aux bars de la ville de vendre des boissons aux Schtroumpfs pendant le comptage du rassemblement entre 18h. Sinon, ils étaient trop bourrés, ils venaient c'est pas. C'est un psychopathe, il veut juste reconstituer les Schtroumpfs, le monde en fait, que le monde soit des Schtroumpfs. Effectivement, le maire est venu au rassemblement. Il a mis des pièges à Schtroumpfs. Bah, j'ai ma pied pris dans un piège à loup. Bah, maintenant, vous allez là-bas. Hein. Bah, on a découvert que le maire n'était autre que Gargamel. Il était avec un chat. Et donc voilà. Et alors, petite question culture, est-ce que vous savez d'où vient le mot Schtroumpf? Alors, c'est pas vraiment une question, je vous donne Allemagne. La réponse immédiatement. Alors non, c'est Peyo, c'est français ou belge peut-être, je sais plus, Peyo. C'est belge, apparemment. Belge, voilà, ben je le savais, c'était pour voir. Oui. Et en gros, il l'a inventé lors d'un repas avec Franquin, hein, autre auteur de BD célèbre. Parce qu'il trouvait plus le nom du sel ou je sais plus quoi, passe-moi le Schtroumpf. Oh c'est tout là. Elle connaît Reichmann en même temps, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est mon Jean-Luc. Passe-moi le Schtroumpf, ouais, ça les a fait marrer, donc ils se sont parlé en Schtroumpf jusqu'à la fin. L'humour était différent à l'époque. Ils se sont tapés une barre là-dessus. Déjà, le Schtroumpf, oh, t'es trop con. Ouais, bah aujourd'hui on peut plus le dire. On peut plus manger. Question de théâtre. Savez-vous quelle pièce de théâtre détient le record de la pièce? C'est vrai que c'est que des records, Pauline, je suis désolé. Savez quelle pièce de théâtre? Elle déteste les records, mais et les vieux, plus que les vieux même. Et les Schtroumpfs, là je viens de découvrir qu'il les est aussi. J'avais mais oublié. C'est très vrai. Tu sais qu'en préparant la question, toutes les photos m'ont fait bader. Des Schtroumpfs? Les blue face, les trucs comme ça. Autant les black face me dérangent pas. Non, mais les gens déguisés en bleu, torse nu. J'aime les limites. Il y en a, torse nu. Ah, c'est une horreur. Ouais, ça met une sale ambiance. Donc, oui, savez-vous quelle pièce? Il y a de la Il y a une rave party là. Il y a une teuf. Mais je t'ai pas dit, après, on va tous faire la teuf. Yes. La Schtroumpf party finalement. On sent qu'on est au Culture Fest, que ça fait. Ouais. Et d'ailleurs, tu sais que le Smurf, ça vient des Schtroumpfs aussi, parce que je me suis tapé une soirée où j'ai lu plein d'infos insolites sur les Schtroumpfs. Ils s'appellent les Smurfs en anglais, les Schtroumpfs. Ben c'est pour ça. Et en fait, c'est pour ça qu'on appelle la danse le Smurf. Ah bon ? Le Smurf. Parce que les gens dansaient sur la chanson Let's Do the Smurf qui était sortie à l'époque. Oh, on en apprend tous les jours. Je jure que c'est vrai. Non, mais c'est à cause des Français. À vérifier. Les rappeurs fans de BD franco-belges qui ont dit. Qui donnent. Non, je veux. Non. Tout grand Master Flash, tout grand fan des Schtroumpfs. Tupac ne pouvait pas s'endormir sans un petit Schtroumpf. Non, c'est justement, les Français parlaient de la danse qui s'appelait. Mais je l'ai noté de toute façon, attends. Je l'ai noté. Ça s'appelle le popping. Non, mais quelle est la le popping. Non, la source, je l'ai trouvée sur le web. Sur un site qui. Sur quoi le Sur web. Le web. C'est le web, la Un source. Site qui s'appelle Égalité. Non. c'est le popping. Et pour parler du popping en France. Justement, un journaliste a mis la musique des Schtroumpfs en fond. Et donc, on était vraiment bien calé sur le rap. C'est ça. C'est les Schtroumpfs, non? C'est ça. Et sur ils mettaient Let's Do the Smurf. Et en gros, il y a eu un espèce de truc qui s'est dégagé de ça en disant en fait, on appelle ça le Smurf. Mais en fait, aux États-Unis, tu n'appelles pas vraiment ça le Smurf. C'est en France que tu appelles ça le Smurf. Okay, d'accord. Okay. Donc voilà. Et c'est quoi la musique des Schtroumpfs? C'est ça. Non, mais il y avait une chanson des Schtroumpfs qui. Oui, mais c'est pour ça. Non, mais ça, c'est le générique. Ah, mais il y avait une autre. Ah, le générique, tu veux? Ouais, bah c'est ce qu'on a fait. C'est bon, on peut passer à autre chose. Arrêtez! T'as bien aimé ou pas? Ce que t'as fait? Ouais, ma performance. Très juste, merci. Très juste, ouais. Elle est aussi une voix. Une voix blanche. Elle a la voix blanche. C'est juste insupportable au quotidien, mais bon. Donc oui, savez-vous quelle pièce de théâtre détient le record de la pièce la plus jouée au monde ? Le malade imaginaire. Roméo et Juliette. Non, pas Roméo et Juliette, pas le malade imaginaire. C'est un Shakespeare ? Ce n'est pas un Shakespeare. C'est 12 hommes en colère. Pas 12 hommes en colère. Un Molière. 13 hommes en colère. Non, la suite tu veux dire. 14 hommes. 4 Schtroumpf. 15 hommes en colère ? Les Schtroumpfs en colère. Est-ce que c'est une pièce américaine ? Non. Anglaise ? Non. Française ? Yeah. Quoi ? Oui. Molière ? J'ai envie de dire Cocorico. Non, je pas, sais. Pas Molière. La clocharde de Anna Ah oui, voir Grand maintenant. Prix d'Avignon en, 2000, en 2007. Et également 2008, 2009, 2009. Ah oui, et ouais. Elle lâche pas. On lâche rien. Ok, alors non, ce n'est pas la clocharde. Dommage. Le Cid. Ce n'est pas le Cid. Bah, on n'a plus, là. Il n'y en a pas d'autres. Toutes les pièces que je connais. C'est un petit peu moins connu. C'est à l'ancienne. C'est à l'ancienne. C'est pas Molière, hein, j'ai demandé. Moi, non, non c'est pas Molière. Alors, il est né en Roumanie, pardon. Il est considéré, enfin, il a vécu en France et tout. Il écrit en français, mais c'est vrai qu'il est né en Roumanie. Mozart, l'opéra rock. Quoi? Très bonne réponse. Tellement bien ça. Non, c'est une pièce absurde qu'on a étudiée à l'école, pas mal. Rhinocéros, machin. Ah, Ionesco. C'est Ionesco, mais c'est l'autre pas, de Ionesco. C'est pas Rhinocéros, c'est l'autre. Godot. Non. En attendant Godot. Non. Pourquoi je connais autant de trucs d'un coup? Knock, non. Non. Mais si l'autre, il y en a d'autres connus. Ouais, là on sent si que. Ouais. Et c'est Culture Fest en même temps. Ouais. Bah la preuve qu'on est à notre place. On connaît trop bien les pièces. Oh ah les gens nous ont pas invités pour la culture. Oui. Bah franchement, j'ai déjà dit deux trucs de Ionesco. C'est. Ouais. C'est quoi le deuxième que t'as dit? En attendant Godot. Mais ah, oui, c'est, mais pas ça, c'est pas Ionesco. Pas, c'est, fin... c'est pas ça. Non, c'est pas Ionesco. C'est Bec BD, hélas. Quoi? L'UNESCO. Oui, c'est l'UNESCO. Un truc sur les chauves. Grotte de Lascaux, c'est. C'est un truc sur les chauves. Pas Lascaux. Oui, c'est crois. Quelque chose de chauve. Parce qu'en fait, c'est pas Adrien, mais on m'a la pointé Adrien. Ah oui, Adrien Méniel. Ah oui, merci. Ah, donc on m'a pointé du doigt quand. Ouais. Par là, contre, c'est dit, ouais, c'est chauve. Si, là, tout le monde m'a regardé. Là, c'était là. Depuis 57, la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco est jouée sans interruption au théâtre de la Huchette en plein cœur du quartier latin. Ah oui. Le petit théâtre de la Huchette. Ah oui, non, mais ça va. Non, non. J'y étais le week-end dernier. Mais non, mais je confonds avec le caveau de la Huchette. Ah. C'est le petit club ah de oui, jazz. Vous connaissez bon. Oui, il accueille la première représentation de cette pièce de Ionesco donc en 1948. Imaginez seulement. Ce record, vous arrivez à imaginer seulement? Ouais, okay, bah laisse-moi deux minutes. Mais... ce record de longévité fait donc. Il y a eu 18 500 représentations. C'est beaucoup. Et sans interruption. Ouais. Peut-être faut laisser la place à d'autres trucs. Bah, genre ouais. La clocharde. C'est ça, entre autres. Il y a un appel d'offres. Chauve, un truc. Elle peut être chauve. Hein. S'il faut, elle peut être chauve. La clochauve. Alors il faut savoir que c'est une des pièces les plus étudiées dans les lycées. Mais Ionesco lui-même disait qu'il fallait pas chercher de sens profond. Il avait écrit par instinct et estimait que l'absurde n'avait pas à être compris, mais à être vécu. C'est une pièce qu'on considère comme une des plus drôles qui existent dans le théâtre moderne. Et pour le vérifier, parce qu'avec Adrien, on a souvent un petit débat. Oh non. Aïe, aïe, aïe. Adrien, il a un truc où je suis tellement d'accord avec lui, c'est les gens qui disent « Oh là là, Molière !» Ah oui, oh je pleure de rire, le malade imaginaire, je pleure de rire. C'est faux. On va pas manquer de respect à Molière, mais l'humour, c'est pas le truc qui vieillit le mieux. Donc on va peut-être se lire ensemble. Bah, attends, on va déjà faire un test. Tu peux me passer la Schtroumpf, s'il te plaît? Oh trop con. On pourrait en c'est rassembler 3000. Donc moi, je joue Monsieur Martin, c'est ça? Voilà, on va jouer un extrait de Ionesco. Ah, c'est nous va... aussi, la cantatrice. On va chier sur Ionesco, donc. Non. Bon, non, mais vas-y. Je suis quand même l'auteur du flambeau, donc je peux me permettre de donner des sons. Donc je vais, chacun, vous avez votre personnage et on va se lire une petite pièce de Ionesco. Je vous demande de donner votre maximum, voilà, pour les gens. C'est quoi la tonalité qu'il faut prendre? Parce que je suis comédienne. C'est la majeure. Vas-y, amuse-toi. Oh là là, je vais m'éclater. On suit ta vibe. Voilà. Et si tu peux prendre un accent, c'est mieux. Alors. Ça va bien se passer. C'est quand vous voulez. Ah. Vous qui voyagez beaucoup, vous devriez pourtant avoir des choses intéressantes à nous raconter. Dis chérie, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui? C'est pas la peine, on ne me croirait pas. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. T'es dans un autre... Ouais. Non mais là c'est... Bah je viens d'Avignon, théâtre... Ouais. Grèce antique là. Bah attends, vous êtes à dire, dis-le. Je te enlève le masque de la Grèce antique et là attention, je te mets... Le masque du rire. Le masque du lol. Ah, du Bernard rire. Ménez. Bernard Ménez. Je dois rire. Hein? Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Comédie, fais-le comédie. Bah je sais plus là, j'ai plus d'autres trucs. Je te relance. Non. Nous n'allons pas mettre en doute farfelu. Petit univers. Nous n'allons pas mettre en doute votre bonne foi. Vous nous offenseriez si vous le pensiez. Mais tu les offenserais, chérie, si tu le pensais. Enfin, je crois. Pas mal. Un pro. Eh bien, j'ai assisté aujourd'hui à une chose extraordinaire, une chose incroyable. Dis vite, chérie. On va s'amuser. Enfin ! Eh bien, aujourd'hui, en allant au marché pour acheter des légumes qui sont de plus en plus chers... Qu'est-ce que ça va devenir ? Il ne faut pas interrompre, chérie, vilaine. Attendez, c'est très amusant. J'ai vu dans la rue, à côté d'un café, un monsieur convenablement vêtu, âgé d'une 50aine d'années, même pas, qui... Qui quoi ? Mais enfin, faut pas interrompre, chérie, tu es dégoûtante. Chérie, c'est toi qui as interrompu le premier, pauvre connard. J'ai un peu adapté. Chut ! Qu'est-ce qu'il faisait, le monsieur ? Eh bien, vous allez vous dire que j'invente. Bon, il avait mis un genou par terre et se tenait penché. Oh ! Oui, penché ! Pas possible ! Si, penché, je me suis approchée de lui pour voir ce qu'il faisait. Eh bien ! Il nouait ses lacets de sa chaussure qui s'était défait. Fantastique ! Si ce n'était pas vous, je ne le croirais pas. Pourquoi pas ? On voit des choses encore plus extraordinaires quand on circule. Ainsi, aujourd'hui, moi-même, j'ai vu dans le métro, assis sur une banquette, un monsieur qui lisait tranquillement son journal. Quel original ! C'est peut-être le même ! On va passer avec un chapeau. Et en fait, l'absurde, c'est que c'est l'inverse. Ouais, en fait, ouais. C'était des trucs banals et en fait ils disaient oh, c'était incroyable. Ça ressemble à des trucs qu'on m'a pitché à l'époque de Golden Moustache. Quand j'étais... En fait, c'est l'inverse. Oui. Ça ne suffit pas. Eh, gros respect à UNESCO, attention. Allez, bon, on déconne. Hein. UNESCO, ça leur a fait marrer qu'on fasse ça. Non, mais à l'époque. De là où ils nous regardent, ils se tapent des barres avec Coluche et des proches. Bah, évidemment. Écoutez, j'ai une dernière question. On revient. Alors, j'ai opéra ou cinéma, vous voulez quoi ? Cinéma. Ouais, cinéma, opéra, on connaît rien. Ouais, Beaux-Arts, l'opéra rock, oui, déjà parlé. Eh bien, sachez que le producteur Sébastien Fechner a annoncé la mise en production de la suite d'un célèbre film français. Mais petite subtilité, le film original est sorti il y a 44 ans, en 1981. À votre avis, de la quel... soupe aux choux. Très bonne réponse d'Adrien Méniel. Ouais. Oh putain, mais j'ai vraiment... Et oui, Anna, on n'est pas seul dans le domaine de la culture. Alors déjà, j'ai rien dit. C'est vrai. Surtout, j'ai même pas entendu la question. Moi, c'est vrai que j'ai oublié aussi. Mais j'ai l'impression qu'ils avaient préparé le coup. Il veut faire une suite. Il faut une suite à la soupe aux choux. Mais ils sont décédés, là, les... Ah, les trois. Mais... Voilà. J'ai peut-être une carte à jouer, là. C'est littéralement ce que j'avais noté. Elle avait dit, pourquoi vous croyez que le flot de gaz s'arrête? On a du boulot avec Adri. Nous allons nous attaquer à une très lourde responsabilité, à un monument du cinéma français et de la comédie dont nous développons une suite, a ainsi confié le producteur. Sorti fin 81, le film avait reçu des critiques plutôt négatives de la part de la presse, mais avait quand même attiré plus de 3 millions de spectateurs en salle et c'est devenu des comédies françaises les plus populaires de tous les temps, avec les nombreuses rediffusions qu'il y avait à la télé. Alors, il s'agit bien, comme l'a affirmé, d'une suite, pas d'un remake. Ils ne refont pas le film, c'est la suite directe. Alors, direct, je sais pas, parce qu'il s'est passé 44 ans. C'est un ans, film quand d'action aussi. C'est Statham. Et quel sera le titre, du coup ? Mais oui, parce que, attends, la à la fin du premier, ils vont dans l'espace. Ils vont habiter sur Oxo. Spoiler, mais ok. Ouais, pardon. Chers amis, ça y est, c'est presque la fin de ce floodcast. Et oui, c'est un podcast un peu plus court. Et ouais, mais il faut libérer la salle. Il y a la Schtroumpf Party qui démarre dans pas longtemps. Et comme d'habitude, je veux quand même faire un petit, parce que ça reste, voilà, le culture fest, on parle de culture. Je veux faire, ben oui, un très léger tour de table, une petite recommandation culturelle, quelque chose que vous avez aimé récemment. Ça peut être un film, une série, quelque chose. Anna. Alors, moi, récemment, j'ai démarré Lost. Ah. En termes petite d'actu, sympa, ouais. on est bien. Ouais. Sinon, j'ai vu le spectacle de Panayotis, son deuxième spectacle que j'ai trouvé excellent. Trop donc bien. N'hésitez pas à aller le voir. Là, je crois qu'il est méga complet pour l'instant à Paris, mais super. Voilà. Très bien. Oui, bon, je pense que ça va finir sur une plateforme. Oh bah attends, on connaît. À la cool, hein. Ça c'est mon pana, ça. Il sait pas qui je suis. La dernière fois, vraiment une merde que je suis en train de devenir. J'ai pour parler de Thierry Lhermitte. J'ai dit Thierry. Oh. Non, là, bah oui. Pour qui Thierry. Je me prends. Vraiment. T'es passé je de l'ai côté. Jamais croisé. Ah, mais je suis de l'autre côté. Pas grave. Mais je l'ai jamais croisé de ma vie et tout. Mais, mais je me suis rendu compte tout de suite, attention. Ah oui, c'est bizarre, fait... ouais, si mais tu connais pas. C'est le début. Thierry. Oui, j'avais fait pareil quand je disais, ouais, j'écoute ça ironiquement. Et puis je suis allé voir La Fouine en concert, oui, bien sûr. Ouais. Pauline. Oui. Alors, franchement, le Floodcast, ça s'arrête bientôt. Moi, ouais. Je vais faire de la pub pour moi. Ah, mais je n'en ai rien à foutre. Ah, oui. T'as bien raison. Donc, moi, j'ai sorti une Adrien, chanson il adore hier. Quand... Ah, mais oui, mais j'allais en parler. Ouais. Non, bien c'est sûr. Pas grave, je vais m'en occuper. Alors, j'ai sorti une chanson hier. Allez l'écouter. Voilà, maintenant c'est fini. Et qu'est-ce que je pourrais dire? C'est de la pop acidulée ou pop sucrée. Sucrée, ouais. Sucré, ouais. Acidulée, c'est quand vraiment je pète un câble. Quoi. Ouais. Sinon, c'est pop douce, quoi. Ah oui, d'accord. Et non, quand tu parlais, je me suis dit, je pourrais recommander un spectacle que j'ai vu parce que j'y vais pas souvent voir des spectacles. Et j'ai vu le spectacle de Morgane Cadignan que j'ai trouvé très très drôle. Et elle m'a épatée parce qu'elle n'arrête pas d'être drôle. Et en plus, elle avait une intoxication alimentaire et elle était quand même drôle. Et elle n'a pas vomi ni fait caca. Ouais. La soupe au chou pour moi, mais... Je dire, si elle avait dégueulé sur scène, ça aurait été encore plus drôle. Ouais. Allez la voir, elle est drôle. Elle est très drôle. Ouais. Adrien ? Moi, c'est une chaîne... je crois que c'est à la base une chaîne Twitch, mais qui est aussi sur YouTube et tout. Enfin, il met les replays sur YouTube. Et en plus, maintenant, il fait aussi des vidéos juste pour YouTube. Ça s'appelle « Le rap en mieux ». Il parle de rap essentiellement et en mieux effectivement. Non mais je trouve que moi j'y connais rien et donc je trouve ça intéressant de regarder parce que tu peux t'apprendre des choses et en plus je trouve que son approche de est très déjà il est indépendant parce qu'il dépend d'aucune aucune major ou aucun groupe, il peut vraiment dire ce qu'il veut. Donc c'est... Et je trouve que son approche et son analyse est vraiment... je suis en phase avec ce qu'il dit, je trouve ça cool. Et il a notamment fait, alors que ça n'a rien avec le rap pour le coup, il a fait une vidéo YouTube où c'est tier list des chansons les plus racistes, les chansons françaises les plus racistes de l'histoire. Number one, c'est la Zoubida, j'imagine. Le temps béni des colonies, peut-être. Elles y sont. Ouais. Il y en a d'autres, soit qu'on avait oublié, soit qu'on ne connaissait pas. Étonnamment, et même... La vie en rose. Et Vianney est pas loin aussi. Dans le... Mais non, mais même là-dedans, il a ce qu'il dit est intéressant aussi, quoi. Donc voilà. Après, en grande majorité, il parle de rap. Je trouve ça intéressant. Il y a une vidéo que j'ai vue hier sur. Les rappeurs nuls qui ont fait le buzz un peu contre leur gré il y a quelques années. Ah oui, genre Amandine du 38, toi, bien sûr. Et il fait un peu une rétrospective de tout ça. J'ai vu cette vidéo, je crois. Et il fait une analyse du truc, c'est vachement. Il parle de Morsailles, etc. Et c'est très intéressant, quoi. Donc c'est Marocco. Génial. Et bien moi, j'ai un petit film à vous conseiller, parce qu'en ce moment, mon Letterboxd est rempli de dessins animés, parce que je me regarde beaucoup de films avec ma fille, et j'ai découvert The Peanuts Movie, qui est en fait le film de Snoopy. Avec Charlie Brown et tout. Et en fait, je trouve que Snoopy, j'ai l'impression que ça n'a pas trop passé l'Atlantique. Enfin, c'est pas une star en France comme peuvent l'être les Mickey ou En ce moment, il a un gros buzz. Oui, il revient. Il revient. Il a insulté Macron sur le web. Et les gens sont genre, putain, Snoopy. En live. C'est ça. J'ai découvert ce film, donc qui est une relecture récente. Et vraiment, j'ai trouvé ça formidable. C'est drôle, c'est émouvant. J'ai vraiment beaucoup pleuré. Après, je suis pas au top, hein, mais j'ai quand même beaucoup pleuré. J'ai trouvé ça génial. J'ai vu ce vrai truc de j'étais trop content que ma fille regarde ça aussi. En plus, j'ai senti que ça lui avait créé plein de trucs. Et l'animation, le style d'animation est super aussi. Mais c'est récent, pardon. C'est 2015, donc ça fait 10 ans maintenant. Après Indila, tu vois, dans ces eaux-là, quoi. Et vraiment, c'est vachement bien. C'est sur Disney+, c'est réalisé par Steve Marino. C'est produit par Paul Feig, qui est quelqu'un qu'en plus j'adore, réalisateur de Mes meilleurs amis, Bridesmaids en anglais, et Spy, et le troisième, Les Flingueuses, voilà, qui sont des comédies très très drôles que je vous conseille. Freaks and Geeks aussi. Et la série Freaks and Geeks à l'époque avec Apatow, donc voilà. Et c'est Steve Marino, et c'est très drôle, très joli. C'est plutôt pour les enfants, mais honnêtement, j'ai trouvé ça assez formidable sur. C'est sûr pour vous raconter l'histoire de Snoopy. Parce que Snoopy est un second rôle, c'est Charlie Brown le héros, moi je savais pas trop. C'est le meilleur. Et en gros, c'est un gamin qui est à l'école et donc il y a une nouvelle élève dont il tombe un petit peu amoureux et en même temps il essaie de se situer parce que c'est un peu un nulos. Et je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment formidable en termes de justesse et en termes de. Ça m'a peut-être un petit peu parlé aussi, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien et très, très drôle. Donc The Peanuts Movie, Snoopy le film, j'imagine en français, et c'est sur Disney+. Voilà. Bon, Snoopy fait des dingueries, je crois, le titre français. La grosse masterclass de Snoopy. écoutez, on était avec Pauline de Tarragon, excuse-moi, Pyjama. Ouais. Merci beaucoup. Nouveau single qui vient de sortir. Est-ce qu'on peut dire aux gens d'aller streamer ça? J'ai l'impression qu'on peut dire streamer ça. Fort la team. Oui, on peut streamer et fort. Vous pouvez venir me voir à mon stand si vous voulez qu'on parle un peu plus en PV. Quel est le titre de la chanson? Carnet secret. Oui. Carnet secret. Tu travailles sur un nouveau livre aussi en ce moment ou... Oui, mais ça c'est pas officiel. Tu vois, je préfère que ça reste entre nous. Farfelu de terrain. Je préfère que ça reste entre nous et tu t'en es souvenu. Et non, je vais sortir des morceaux jusqu'à que mon prochain album sorte. Je vais pas c'est dire bien. Quand au cas où il y a du retard, mais voilà, c'est en route. Le bébé est en route. Très bien. Mais j'attends pas d'enfant, là, j'ai juste très envie de pisser. C'est pour ça que c'est serré comme ça, là. Anna, ton spectacle qui est toujours en rodage, mais tu as des dates pour le jouer, ça y est. Tout à fait. Alors là, je suis à la Petite Loge à Paris jusqu'au 20 juin. Mais et c'est complet quasiment. C'est complet. C'est complet tout le temps. Et à partir du 19 septembre, au Théâtre du Marais à Paris. Donc on est complet sur septembre, mais après, il y a octobre, novembre, décembre. Voilà, quoi. N'hésitez pas dans ce très joli théâtre du oui, Marais tout à fait. Pour Anna. Et voilà, ça marche très bien pour toi, donc ça fait très plaisir. C'est chouette. C'est chouette. N'hésitez pas à y aller. Nous, ça continue tranquillement. Voilà. On prépare tout doucement les dates fin juin. Qui, alors oui, d'ailleurs, pour répondre aux gens très vite fait, parce qu'il y a des gens qui posent des questions, ça va être dispo. Enfin, les trois épisodes qu'on va faire en live vont être dispo pour tout le monde. Donc évidemment, on va les diffuser en audio. Il ne sera pas filmé parce qu'il y avait des gens qui demandaient aussi. Non, ce ne sera pas filmé parce que ça n'a jamais été trop l'idée. Et c'est très cher aussi. Et c'est très cher. Pour avoir le droit de filmer. Voilà. Et on va relancer du merch. Voilà. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui nous le demande. Enfin, les gens nous le demandent beaucoup sur Insta, etc. Donc ça y est, on relance du merch. Je ne sais pas s'il est déjà dispo là. Bah quand... si. Ça y est, il est dispo là. Le jour de la sortie. Le jour de la sortie de l'épisode. Donc voilà. Si vous voulez, c'est sur le site de Trafic. On a sorti plein de nouveaux coloris de casquettes parce qu'on sait que c'est surtout ça qui se vend et voilà, on nous l'avait demandé, donc voilà, plein de casquettes. Je crois qu'il y a encore les t-shirts, les trucs aussi. Oui, bah c'est le merch de base. C'est le merch de base qu'on aime bien, juste brodé. Des nouvelles casquettes qui sont sublimes et les casquettes sont super jolies, donc voilà, vous pouvez acheter du merch parce qu'après il n'y en aura plus jamais puisqu'on disparaît. Voilà, merci. C'était aussi en réponse aux réactions aux gens qui revendaient à des prix atroces. Oui, sur Vinted merch, et tout. Podcast. Alors que la BD Oli et l'Alien ne se vend pas à 4 euros. Donc, n'hésitez pas plutôt à racheter la BD plutôt que des casquettes 95 balles. Oui, il y a des gens qui revendent. Après, c'est peut-être aussi parce que... Mais bon, c'est vrai que nous, on n'est pas trop pour. Donc aussi, on a relancé effectivement du merch. Et voilà. Ça nous fait un peu d'oseille. C'est toujours aussi. Cool. Voilà. Et normalement, il y aura du merch exclusif à la salle. Oh là là, mais chuchu. Bah quoi, on peut le dire. On peut le dire. Bon, voilà. Merci beaucoup au Culture Fest de nous avoir accueillis. Ouais, merci beaucoup. Merci aux organisateurs. Merci aux gens à la technique d'avoir géré tout ça. Merci à vous deux d'être venus, trop merci cool. Beaucoup, et merci d'être venus si nombreux. Au revoir tout le monde, ciao, bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon. Je vais vous présenter l'offre de parrainage EDF. Papy, qu'est-ce que tu fais là? Il faut partir maintenant. Hein? Ah bon ? Ben oui, maintenant, c'est le filleul qui gagne le plus. Jusqu'au 31 décembre, souscrivez un contrat d'électricité en offre de marché et devenez filleul pour bénéficier de 40 euros remboursés sur votre facture d'électricité. Infos et conditions sur edf.fr/parrainage. L'énergie est notre avenir, économisons-la.